Yuma, chapitre 4. Ce soir même, Yuma était seule à la maison avec l'enfant. Monsieur Desrivières était allé à cheval jusqu'à Sainte-Marie et les domestiques occupaient un bâtiment voisin. Soudain, elle fut éveillée de son sommeil en entendant Mayotte crier « Da, oh da, moins paix !» La lampe qui brûlait habituellement devant les images des saints s'était éteinte et la petite Mayotte avait peur. « Papé !» dit Yuma en se levant vivement pour la caresser. « Midaou, tché !»« Oh, il y a quelque chose dans la chambre, da !» dit l'enfant. Elle avait entendu des bruits furtifs. « Non, doudou, tu as rêvé. Da va t'allumer la lampe. » Yuma étendit la main. Tata, pour trouver les allumettes sur la table de nuit, elle ne put les trouver et se souvint qu'elle les avait laissées dans le salon contigu. Alors elle se dirigea vers la porte et soudain son pied se posa sur quelque chose qui glaça tout son sang. Quelque chose de visqueux et de froid qui vivait. Elle porta immédiatement tout le poids de son jeune corps souple sur son pied gauche. Elle ne sut jamais dire pourquoi. Peut-être était-ce par pur instinct. Sous son talon nu, la vie frigide qu'elle tentait d'écraser se tordait avec une force soudaine qui la fit presque tomber. Et au même instant, elle sentit quelque chose s'enrouler autour de sa cheville, au-dessus de son genou, enlaçant toute la chair du talon jusqu'à la cuisse avec une force meurtrissante. C'étaient les anneaux d'un serpent. « Tambou !» murmura-t-elle entre ses dents. Et elle tendit tous ses muscles contre l'enlacement qui se resserrait et affermit la pression de son pied sur l'ennemi invisible. Le pied des métisses, que les souliers n'ont jamais déformé, garde une certaine facilité d'appréhender les objets et peut saisir comme une main. Le serpent se tordit en vain pour essayer d'échapper. Déjà la terreur glacée de Yuma s'était dissipée et elle ne ressentait plus que la colère calme de la résolution. Elle avait une de ces natures à demi sauvages chez lesquelles la peur ne dure pas au-delà du premier moment de surprise nerveuse. Elle appela doucement l'enfant. « Dis, doudou, da, ne bouge pas avant que je ne te le dise. Reste dans ton lit. Il y a une bête dans la chambre. »« Aïe, aïe !» sanglota l'enfant terrifié. « Qu'est-ce que c'est, da ?» N'aie pas peur, cocotte, je la tiens. Elle ne peut pas te mordre si tu ne quittes pas ton lit. Je vais appeler Gabriel. Ne bouge pas, chérie. » Et, de toute la force de sa voix claire, Yuma appela « Soukou, soukou, hé, Gabou !»« Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, da ?» pleurait la petite fille. « Ne crie pas comme ça, ou je vais me fâcher. » « Comment puis-je voir ce que c'est dans le noir ?» Elle appela de nouveau au secours, et puis encore « Bon Dieu !» Comme le serpent était fort, la pression de ses anneaux lui donnait une souffrance engourdissante. Yuma sentait sa force diminuer déjà sous la pression obstinée, glacée, toujours plus forte. Qu'arriverait-il si la crampe s'en mêlait? Où était-ce le venin pénétrant dans son sang qui provoquait les étranges tremblements et les cinglements? Elle ne s'était pas sentie mordue, mais il y avait à peine un mois de cela, un des esclaves avait été mordu dans l'obscurité sans le savoir. On n'avait pas pu le sauver. « Hé, Gabou !» Les domestiques dans le pavillon voisin paraissaient dormir comme des morts. Et si l'enfant quittait son lit, malgré sa défense? Oh, on vient, da! S'écria Mayotte. Gabou vient! Elle avait aperçu le scintillement de la lanterne du commandeur à travers les lattes des volets. Mais da, la porte est fermée! Reste dans ton lit, sans quoi tu seras mordu si tu bouges. Le salon s'emplit de voix et du bruit de pas. Puis on poussa la porte de la chambre à coucher. Elle est fermée, cria Yuma. Mais enfoncez-la, brisez-la, je ne puis pas bouger. Un fracas. La pièce s'emplit du reflet des lanternes. Et alors Yuma vit qu'elle tenait la gorge du serpent sous son pied, pendant que le reptile tendait vainement sa tête hideuse vers son talon. Pas buone pies, cria la voix du commandeur. Ne bouge pas pour ta vie, ma fille. Reste tranquille, reste comme tu es. Yuma demeura immobile comme un bronze. Gabriel était près d'elle, son coutelas ouvert à la main. Kim fo, Kim fo. Pas buone pies, pies, pies. Alors elle vit l'éclair de l'acier et la tête tranchée du serpent bondir jusqu'au lambris, où elle tomba, les yeux brûlants encore comme des étincelles de charbon. Au même instant, les anneaux se desserrèrent et Yuma leva le pied. Le corps du reptile fouetta le parquet, se tordit et essaya de ramper comme pour rejoindre la tête. Mais le coutelas s'abattit encore, toujours, et pourtant chaque fragment sectionné continuait à remuer. « Es-tu blessée, ma fille ?» demanda une voix amicale. C'était Monsieur Desrivières qui avait tout vu. « Pas quoi, maître ?» répondit-elle en regardant son pied. Mais elle ne savait pas. Alors il l'amena jusqu'à une chaise, s'agenouilla et l'examina lui-même. Tandis que Mayotte grimpa sur les genoux de Yuma et se suspendit à son cou, en l'embrassant, en la serrant et en pleurant. « Est-ce qu'il t'a mordu, chère Oda? Est-ce qu'il t'a mordu ?»« Non, doudou, non, cocotte, ne crains rien. » Elle disait vrai sans s'en douter, car le serpent n'avait pu se servir de ses crochets. Pourtant, la marque de son corps resta imprimée sur la peau lisse et rouge de Yuma qui semblait marquée au fer. Gabriel avait lâché son coutelas et défait le long mouchoir Fanta qui en serrait sa taille pour faire une ligature. C'était lui le penseur de la plantation. « C'est inutile, mon fils, lui dit Monsieur Desrivières. Elle n'a pas été mordue. » Gabriel demeura muet d'étonnement. Pendant ce temps, la chambre s'était emplie d'esclaves, et il y régnait un brouhaha d'exclamations. « Dieu Seigneur, qui sait pan ? Mi tête la que l'imode toujours ! C'est guillabeg même ! Moka oua carimier pour you joan ! Aïe ma choke ! Où il est, papa ? » Et un serpent de près de 6 pieds de long. Personne n'avait jamais entendu pareil exploit. Lorsque Yuma raconta ce qui était arrivé, très simplement et avec un grand sang-froid, il y eut un lourd silence d'admiration. Ce silence fut rompu par la basse vigoureuse du commandeur qui s'écria « Ouai ! Ou brave, ma fille ! Ou sévé ! » Sévère est l'adjectif le plus fort dont le nègre dispose pour qualifier le courage, et garde dans son patois un sens bizarre, admiratif et respectueux, presque le sens qui survit dans ce mot lorsque nous autres modernes nous l'appliquons à l'art et à la vérité. Aujourd'hui, le créole ne l'emploie plus que par ironie, mais Gabriel le prononça avec une délicatesse inconsciente, et M. Desrivières lui-même l'applaudit. Doudou d'un moins, s'écria Mayotte en étouffant sa bonne de caresse. Ticocotte d'un moins, mais boi, papoute, boi, supplia-t-elle en s'adressant à son père. Alors il sourit et embrassa Yuma sur le front. « Et c'est tout de ma faute !» dit Mayotte en se remettant à pleurer. « J'ai voulu qu'elle me raconte des histoires en plein jour !» Mais ce serpent-là n'était pas un zombie. On retrouva sa trace et on la suivit jusqu'à un trou qui avait été creusé par un rat dans le parquet du salon, sous un buffet.